La parole est maintenant à Michael Yvelin pour le concept de système. Je vais écouter un petit moment, mais. Donc, je voulais remercier Marion Chautin et Loïc Cassan pour m'avoir reçu aujourd'hui. Parce que j'ai vu ce matin, je suis très honoré d'être ici. Pour essayer de vous donner quelques mots sur la notion de système telle qu'on l'utilise en médecine, en fait, telle qu'on l'applique tous les jours. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Je n'ai même pas posé la question, je vais pas parler des slides, mais je vais essayer de vous montrer quelques images. Il y en a quelques-unes qui peuvent être intéressantes. Donc, la médecine, enfin d'abord, la notion de système, il y a plusieurs façons de le définir. Alors, c'est un ensemble d'éléments donc, qui interagissent entre eux, selon un certain nombre de principes ou règles. On peut étendre cette définition avec donc une notion de structure, un ensemble des éléments qui composent ce système, avec des interactions à l'intérieur du système, à l'extérieur, une notion de frontière qui donne un critère d'appartenance à ce système ou pas, avec des notions de normes dont on parlait tout à l'heure pour le droit, par exemple. Et parfois, on le trouve, mais ça peut être discutable, la notion de finalité avec un objectif et des fonctions de ce système. En tout cas, en médecine, ça peut être présenté de cette façon. Donc les systèmes en médecine, on les retrouve où ? Eh bien, les systèmes constitutifs de l'organisme, tels que donc la médecine, c'est pas une science. Hein. Je dois vraiment insister là-dessus. Ça prend un peu aux sciences, à la biologie, à la physique, à l'éthique, un peu la philosophie aussi, hein, beaucoup. Donc je parlerai juste de ces systèmes constitutifs. Je vous dirai quelques mots aussi des maladies de système, dont il y a une précision étymologique à faire. Le terme est peut-être un peu galvaudé. Et enfin, je terminerai sur la notion de système de soins, sans m'étendre dessus. Donc, l'homme en tant que tel, on peut le considérer comme un système, puisqu'il a une frontière, des limites, des normes. Si vous dépassez ces normes un peu de trop, c'est la fin du système, hein, la mort de celui-ci. On peut le décomposer, il y a la notion d'échelle qui se pose. On part de l'homme, on passe aux appareils, aux systèmes, aux organes, aux tissus, aux cellules. On peut descendre ainsi jusqu'aux molécules, aux protéines qui composent la surface de ces cellules, leur permettent d'interagir, et puis jusqu'à l'échelle atomique, et ainsi de suite. Alors, le premier de ces systèmes, c'est la cellule. Donc la cellule, c'est la plus petite des unités vivantes. Elle est regroupée, le regroupement de ces cellules, avec la matrice extracellulaire, compose les tissus. Ça, c'est important pour la notion de maladie de système dont je vous parle après. Donc on peut imaginer, les tissus, donc, ce serait quoi ? Ce serait un HLM. Le béton de ce HLM, ce serait la matrice extracellulaire. Les cellules vivantes autonomes dedans, ce seraient les habitants. Donc ces tissus, donc voilà, ce qu'on appelle un tissu, voici ce n'est pas un organe, voici une artère, c'est un tissu, donc des cellules, les habitants, un tissu conjonctif autour, le béton qui les compose. Et ce tissu conjonctif, donc je vais vous en dire quelques mots de plus après. Donc voici une représentation pour la notion de... Pas toujours. Donc voilà, un organe, des cellules, des tissus, donc une histoire d'échelle pour ces systèmes. Donc, est-ce qu'il y a une opposition organe-système ? Donc, le tissu, l'ensemble des cellules et de matrice dont je viens de parler, l'organe, un ensemble de tissus. L'appareil, l'organisation d'organes ou de tissus, et là on se rapproche de la notion de finalité dont je vous parlais au début. Donc voici tous les systèmes hein, qu'on peut dénombrer dans le corps, voici les schémas qu'on peut faire remplir à des étudiants de première année outre-Atlantique, ça n'a aucun intérêt. Voilà le système nerveux, hein, puisqu'on parle de système, vous en entendez parler, le système nerveux, donc le cerveau, le système nerveux central, puisqu'on peut les décomposer en deux, système nerveux central, système nerveux périphérique, une autre représentation de ce système nerveux qui interagit avec d'autres systèmes, donc d'autres sous-systèmes. Le système unitaire de sa constitution, depuis la naissance avec les cellules qui vont le composer, s'organiser, sa répartition dans le corps humain, le chymus, la rate, tout un tas d'organes qui permettent l'organisation de ce système. On ne parle pas d'appareil, par exemple, on parle de système unitaire. Donc voilà, les interactions entre les différents éléments de ce système qui sont d'une complexité croissante, hein, qu'on découvre jour après jour avec des méthodes plutôt analytiques, si on veut parler de méthodes, et les méthodes expérimentales, bien sûr. Voici un autre système, vraiment à part. On parle de système pour le HLA. Pourquoi parler de système pour le HLA ? C'est une bonne question. Le HLA, c'est une invention française, hein, par Jean Dossé, il y a plusieurs années de ça. C'est un système de classification, comme on utiliserait une taxonomie pour les végétaux. Donc voilà, on utilise le mot système pour un autre concept. Donc voilà, quelques représentations du système. Donc, le système squelettique, pourquoi pas, le système musculaire, donc là on est toujours dans les tissus, les systèmes respiratoires et circulatoires, il y a le système urinaire, donc tout ça c'est critiquable, c'est plutôt un problème d'étymologie qu'un sens réel à ces systèmes en tant qu'unité, et je vais être un peu plus explicite là-dessus par la suite. Donc, j'ai rayé par exemple ce qu'on n'utilise pas du tout, le système urinaire, on n'utilise pas le système urinaire, pourquoi ? On utilise l'appareil urinaire. Je ne vais pas vous dire pourquoi. Et le système reproducteur, non, c'est moins utilisé, c'est plutôt l'appareil reproducteur, mais ça n'a aucun intérêt. Donc, la maladie. La maladie, c'est l'altération organique ou fonctionnelle de la santé. On peut le définir de façon positive ou négative. Hein. La maladie, c'est l'inverse de la bonne santé. La bonne santé, c'est plus difficile à définir. C'est organique ou fonctionnel. Ça peut être les deux. Donc, la maladie de système, vous en avez entendu parler, hein, je pense qu'à la télévision, il y a plusieurs séries qui insistent maintenant sur la notion de maladie de système. C'est en fait dérivé d'un anglicisme, c'est systemic disease, qui reflétait plutôt la notion d'extension de cette maladie à pas mal de tissus dans l'organisme. Donc c'est quoi ces maladies de système? Pour essayer de clore assez rapidement sur ce chapitre, c'est des maladies inflammatoires diffuses. L'origine est inconnue, c'est pas tumoral, c'est pas infectieux, ça touche plusieurs organes, et ça touche donc surtout ce tissu conjonctif. Donc, dorénavant, on ne les appelle plus maladies de système, on les appelle des connectivites. Ça touche le tissu conjonctif, donc les maladies de système ont disparu. Voilà. On ne parle plus de maladies de système, aujourd'hui on parle de connectivite, collagénose, donc peut-être que ces termes disparaîtront les années à venir avec la recherche. Donc, elles ont des caractéristiques communes, hein, donc pas de tumeur, pas de micro-organismes, elles affectent un système tissulaire. Voilà pourquoi on peut éventuellement parler de système. Voici quelques exemples, hein, donc il y a 10 000 classifications de ces connectivites, ça n'a pas d'intérêt puisque de toute façon elles se regroupent plus ou moins les unes aux autres. Alors voici un exemple de maladie de système, un lupus. Lupus pour l'espèce de masque en loup qu'on peut retrouver chez cette patiente, une sclérodermie qui est une atteinte de tous les tissus conjonctifs pulmonaires, de l'œsophage, qui donne des troubles majeurs pour s'alimenter et respirer et qui finit par la mort, comme la plupart de ces maladies. Voici de la dermatopolymyosite, beaucoup moins grave mais invalidante. Donc tout un tas de maladies de système dont j'insisterai pas plus là-dessus puisque c'est vraiment un problème d'étymologie. Donc système systématisé, donc on parlait de maladies de système, c'est donc les moins bien systématisées. Elles ont un grand polymorphisme dans leur présentation clinique, donc cette terminologie, donc ça reflète les limites de ces classifications. C'est un objectif pratique, c'est d'orienter le patient au sein d'une structure de soins. Donc, je reviendrai juste à la fin dessus. Donc la médecine interne, c'est la médecine qui s'occupe de ces maladies de système, qui est assez à la mode aujourd'hui. Donc les maladies de système, c'est quelque chose qui disparaît. Donc système, sémiologie, systématisation. Donc la médecine, c'est simple, c'est la sémiologie, donc c'est la science des signes, hein, c'est une partie de la médecine qui traite des signes des maladies. Donc ça a été créé par le créateur du dictionnaire médical, hein, le Littré. Donc ça étudie les symptômes, les signes. Le but, c'est de les relever, de les consigner, de les présenter pour faire une analyse et d'aboutir à un diagnostic, puisque le but, c'est de traiter un patient. Donc, nous avons par contre des signes physiques, fonctionnels, généraux, tels que de la fièvre, la sémiologie, qui coordonne ces signes pour aboutir au diagnostic et ensuite au traitement. Donc, toute cette analyse des signes, on peut imaginer, bon, il y a des signes qu'on peut systématiser, il y a des signes qu'on peut analyser, colliger. Ces signes sont relatifs à des systèmes eux-mêmes, puisque ce sont des organes, des appareils qu'on connaissait déjà à l'époque. Et déjà, le premier mot systématisation de la médecine a été utilisé en tant que tel par Galien, qui était né sur les côtes de la Turquie et qui est mort, après avoir fait un petit détour par Rome, avoir soigné quelques gladiateurs, et s'est aperçu que la façon dont les plaies cicatrisaient, l'organisation du système vasculaire, même si celui-ci a été vraiment décrit en tant que tel par Harvey une dizaine de siècles plus tard. Donc la notion de systématisation de la médecine, le mot est mis dessus par Galien. Mais on peut remonter jusqu'à Hippocrate avec ses théories des humeurs. Il y a une volonté de cette systématisation pour mieux comprendre le corps, le fonctionnement de l'homme en tant que tel, et de notre côté maintenant, de nos jours, prévoir, analyser, anticiper, traiter une maladie ou la dépister. Donc il y a une petite confusion aujourd'hui entre au quotidien, la notion de système, la systématisation dans l'analyse de ces signes. Donc au quotidien, on nous dit qu'il faut prendre le patient en charge de façon systématique. L'examen clinique doit être systématique, tout doit être systématique. Donc on fait des examens systématiques, Donc c'est plutôt une aide, hein, le but de tous ces concepts, que ce soit la systématisation des organes, du système immunitaire ou autre, c'est une aide. C'est pour faire face à nos limites de compréhension. Hein. L'homme, au jour le jour, il reçoit un patient, il a un temps limité pour le traiter, il a besoin de visualiser, de comprendre, de réfléchir, et ces systèmes sont une aide, hein, comme le software serait une aide pour l'ordinateur, hein, avec un programme. Ce sont des petits sous-programmes qui aident à fonctionner. Donc, l'organisation de la prise en charge selon les services, ça découle un peu de cette systématisation. Le besoin de segmentation, il faut bien répartir le patient. Et on aboutit au système de soins, donc les différents systèmes de soins. Je ne vais pas insister sur les différents types, hein, Bismarck, Beveridge ou autres, qui vont peut-être évoluer. Donc, c'est compliqué. Il y a une dimension un peu verticale dans ces systèmes. Il y a la filière de soins avec une trajectoire de patient. C'est pas très clair, ça a été défini dans le généraliste, l'hôpital périphérique, le CHU. C'est une filière de soins dans le système de soins. On ne dit pas si le système est clos, s'il y a des normes. Le mode d'entrée dans le système, ça peut être le fait d'appartenir à la sécurité sociale, par exemple, mais bon, il y a quand même des exceptions. Après, on parle de réseau de soins, c'est plutôt l'organisation horizontale de système. On avait la filière qui traitait plutôt du patient. Là, on a le réseau de soins. Le patient, une fois rentré dans le système, va bénéficier d'un réseau. En pratique, au quotidien, ça n'a pas forcément une grande influence sur notre efficacité. Donc, l'objectif de ces réseaux, par exemple le réseau VIH qui a été créé dans les années 80, c'est de faciliter l'accès aux soins, la coordination, la continuité, l'interdisciplinarité. C'est très bien, mais c'est compliqué aussi de système. Hein, c'est une vision un peu cybernétique de la santé, hein, qu'elle soit française ou anglo-saxonne. Avec donc des filières de soins, des modes d'entrée, des modes d'aller et de retour du patient. Au quotidien, ça sert sûrement à organiser le système de santé. Ça nous aide peu en tant que praticien, c'est sûr, mais on peut parler peut-être de système avec un effet peut-être de porte logique, de mode d'entrée. Plus proche d'une pratique courante, la systématisation de la prise en charge. Aujourd'hui, contrairement au juge, on peut être face à un patient et ne pas avoir de solution. On peut dire, je ne peux pas juger, c'est je peux juger, mais parfois je ne peux pas traiter. L'absence de traitement peut être un traitement, si on peut s'abstenir volontairement. Et donc, on a pour nous aider des algorithmes qui sortent, qui sont publiés dans la littérature en général. C'est une sorte de systématisation de la prise en charge. Ça, c'est très bien sur le papier, en pratique. Pas vraiment un système qu'on peut appliquer au quotidien et un système vraiment équilibré en tant que tel. C'est une aide. Une patiente, par exemple, qui viendrait pour une reconstruction mammaire une semaine, pourrait entrer dans une des branches de système et puis fumer une cigarette la semaine d'après et passer dans une toute autre branche pour une raison qui est simple, c'est qu'un petit détail peut avoir une influence sur son système à elle, son mode de cicatrisation. Donc deux systèmes se croisent, le patient en tant que système, en tant que tel, hein, l'homme en tant que système, le système de soins, et puis un système de décision qui est à l'articulation entre les deux. Donc, système en médecine, si on veut conclure, donc ce serait un patient qui présenterait une maladie de système, examiné de façon systématique, bénéficiant d'examens complémentaires systématiques aussi, validés par un système d'analyse, dans un système de soins, c'est un système de santé. Donc, ma vision personnelle, bon, c'est plutôt si on pense le patient comme un système, ce qui serait très pratique, hein, ce serait si on compte vraiment sur des logiciels plutôt comme voisins de ceux de la météorologie, hein, vu le nombre de paramètres, il faudra trouver comme des théories assez solides pour avoir des prévisions fiables. Il y a des souhaits, hein, aujourd'hui, des sortes d'organigrammes, des algorithmes, de la médecine par Internet avec... Vous avez de la fièvre, vous passez dans la catégorie B, vous avez de la fièvre, votre grand-mère. Bon, ça prend pas en compte tous les paramètres, donc c'est pas du tout applicable aujourd'hui. Donc, une question peut se poser, est-ce que l'approche systémique appliquée à la médecine, est-ce que c'est cette approche systémique qui a conduit à faire de l'homme un système ou un ensemble de systèmes? Pourquoi pas? Aujourd'hui, notre façon de découper l'homme, elle est tout à fait artificielle, elle est nécessaire, elle est complètement artificielle. Les méthodes d'analyse de l'homme, c'est donc les méthodes expérimentales, la méthode anatomoclinique qui était chère à Jean Bernard il y a une trentaine d'années, une quarantaine d'années maintenant. Mais bon, l'échelle descend peu à peu. On est passé de l'anatomie pathologique, à l'époque de Jean Bernard, où on voyait les cellules, on pouvait réfléchir en termes de tissus. Ensuite, à une approche moléculaire, une approche type protéomique, avec des systèmes de protéines et d'interactions en tant que telles, par exemple pour le système HLA. Et peut-être demain, d'autres systèmes un peu plus complexes et toujours dans le plus petit, puisque c'est un peu la règle d'évolution de la médecine et de la science en tant que telle. Du côté biologique, en tout cas, c'est une évolution vers le plus petit. Donc en conclusion, ce sont des systèmes plutôt ouverts, en interrelation, qui visent purement artificielle, avec des questions d'échelle, qui sont utilisées au quotidien. Pour les maladies de système et le vocabulaire utilisé tous les jours, c'est vraiment purement un problème sémantique de vocabulaire en tant que tel. Est-ce qu'il y a une dangerosité pour la pensée, pour ça en tant que système? Oui, pourquoi pas. Donc c'est pour ça qu'il y a les médecins internistes dans les hôpitaux. Je ne parle pas pour moi, mais je suis chirurgien. Mais il y a des médecins qui s'acharnent à faire des diagnostics difficiles, à passer du temps, à avoir des patients, à prendre en charge des patients justement de façon globale, par tous ces systèmes, ces organes. Et c'est une discipline en tant que telle. Je ne peux pas vous dire si cette discipline va disparaître, puisque les maladies de système sont remplacées peu à peu par d'autres types de pathologies un peu plus claires. On arrive maintenant à mieux les séparer, on sait pourquoi, avec des facteurs de risque génétiques, avec des infections virales qu'on ne dépistait pas aujourd'hui, par exemple une hépatite B qui pourrait donner une connectivite, c'est-à-dire une maladie de système avec une atteinte des articulations, des vaisseaux qui seraient totalement indépendantes de cette maladie d'organe, puisque l'hépatite B ou C touche le foie, par exemple. Donc voilà l'évolution actuelle. Donc cette notion de système, c'est des outils quotidiens, uniquement pour la pratique, et ses limites sont bien sûr acceptées par tous. Bien, la discussion est ouverte. Oui, vous avez dit que la notion de système est artificielle. Il y a quand même un rapport entre système et fonction. Si on souhaite avoir un aspect final, en fait, dans un système, si par exemple, la finalité du système reproducteur, si c'était un système, ce serait de se reproduire. Oui, il y a une fonction. C'est pas cette fonction qui définit le système. C'est pas la fonction qui fait l'organe non plus. Ça, c'est une phrase classique en médecine. Justement pour dire que cette subdivision, elle est complètement arbitraire. Elle est nécessaire. Par exemple, aujourd'hui, le foie, c'est un foie. Si j'ouvre votre ventre, je trouve un organe, je trouve un foie avec des limites, avec une enveloppe. En fait, c'est un continuum. Cette enveloppe, elle ne s'arrête pas. Elle est collée à des sérosités. Ces sérosités, on peut les déplacer, elles vont se cliver. Ce sera manuellement, on va les voir. Mais c'est un continuum. En fait, on peut trouver, si on examine cellule par cellule, de la peau jusqu'à un organe, c'est plutôt un continuum avec des variations. Par exemple, quand l'embryon commence à croître, il démarre avec 5 ou 6 types cellulaires et se développe en formant des tissus de plus en plus spécialisés. On va vers un degré de spécialisation, mais ces cellules sont toutes originaires d'un même blastocyste, d'un même cellule originelle. Et on peut trouver un continuum large. Cette division est purement arbitraire. On peut avoir une vision vraiment comme un continuum de la peau, qui irait de la peau jusqu'à n'importe quel organe, par exemple. Moi, je pensais au cerveau. Il y a quand même des systèmes olfactifs, des systèmes auditifs, des systèmes limbiques. Le système on les appelle systèmes, mais c'est un abus de langage, c'est pas quelque chose de clos, c'est pas quelque chose qui tourne, c'est un appareil, c'est une division vraiment anatomique, c'est plutôt une histoire de une part fonctionnelle, c'est un mélange de fonctions, un mélange de localisation anatomique. Est-ce que le système olfactif est étroitement relié avec le cerveau, enfin le système nerveux central, est étroitement lié. La plupart des nerfs des nerfs crâniens également sont étroitement liés au système nerveux central. C'est moins vrai pour des nerfs périphériques. Mais la fonctionnalité joue un rôle quand même essentiel dans la différenciation. Aujourd'hui, dans les définitions de systèmes telles qu'on les a et telles qu'on les utilise en pratique quotidienne, au XXe siècle, enfin en tout cas au XXIe siècle actuellement, c'est un mélange entre la fonction, l'anatomie et puis des structures plus fines, anatomopathologiques à l'échelle cellulaire. Je pense que ça va changer d'ici quelques années, on parlera plus de système du tout. Bravo. Merci beaucoup pour ce bel exposé de réflexivité critique et même sarcastique. Au regard de ta propre discipline, si je t'ai bien compris, c'est la stupéfiante dispersion de l'usage termes système, systématique, systémique, systématisation, bon, en médecine, est inversement proportionnel à la fragilité scientifique de la médecine. Puisque tu as insisté au début sur l'idée que la médecine n'est pas une science à proprement parler, elle emprunte à différentes sciences. C'est autant un savoir-faire qu'une science, autant que tu es chirurgien, tu es encore plus sensible à ça. Donc tout se passe comme si on se gargarisait en médecine de système, de systématique, pour se consoler en quelque sorte d'une insuffisante unité scientifique ou d'une spécialisation du travail médical. Voilà. Alors, d'abord, c'est ça en fait ma première question, est-ce qu'il s'agit de ça, et deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas malgré tout des tentatives pour, peut-être en philosophie de la médecine, hein, peut-être chez les médecins eux-mêmes, ou professeurs de médecine, je sais pas, ou en chirurgie, de faire un système des systèmes, un système de tous ces systèmes, et surtout des théories. Voilà, ou un système spectral, parfois de l'hypothèse du connaître, c'est bon, transposé, bon. Est-ce que c'est possible autrement que sous la forme du diagnostician, j'ai l'impression que tu as parlé à la fin, plus ou moins, sous la forme mythique du diagnostic Dr. House, ouais, que tu as fait allusion à des séries télévisées. Donc c'est une bonne question, donc c'est pas pour se flatter de façon personnelle donc que le médecin a des systèmes, mais c'est vraiment une attelle, c'est-à-dire que tous ces systèmes ne sont pas émergés. Un jour, on n'a pas découvert toute l'intégralité d'un système, du système nerveux ou autre, hein, c'est par strates, hein, il y a un historique et un passif qui est énorme en médecine, c'est une chance, et vraiment une accumulation au fur et à mesure, parfois des périodes un peu plus obscures, mais cette notion de système, donc cette espèce d'enchevêtrement qui va encore une fois peut-être évoluer avec les progrès de la protéomique, de la biologie, de la génétique, en tout cas qui évolue actuellement pour ces maladies du système notamment, on sait vraiment que c'est faux, on connaît vraiment, on les utilise en sachant que c'est faux, en sachant que de toute façon c'est un gain de temps, c'est un gain d'efficacité, et que si on commence à se demander, ah là là, alors je vais traiter, alors c'est important, il faut le prendre en compte, mais c'est un peu comme envisager des interactions médicamenteuses avec quelqu'un qui prendrait 1, 2, 3, 4, 5 médicaments, ça devient impossible. On ne peut pas tout envisager, tout prévoir. C'est un peu le fantasme des médecins internistes de tout prévoir, de tout envisager, de mélanger tout, de prendre en compte tous les organes ensemble, d'avoir une vision globale de l'homme. Cette vision globale ne sera peut-être pas donnée par la médecine, hein, ça sera plutôt donné par des biologistes, éventuellement, peut-être ici, je ne sais pas, un siècle, deux siècles, trois siècles, quand le logiciel de prévision météorologique permettront de dire, enfin, je ne suis pas sûr. Hein, vraiment, j'ai beau être optimiste, je ne pense pas qu'on arrive à une espèce de tautologie, une vision de l'homme en tant que tel, avec. C'est un système. Enfin, vraiment, je compare vraiment avec la météo, la moindre molécule qui passe, le moindre éternuement, la moindre cigarette, le moindre. Il n'y a rien de prévisible dans tout ça. Même la génétique, qui est le programme en tant que tel, ne suffit pas à permettre d'anticiper des choses. Même avec un patrimoine génétique identique, un environnement identique, on a des variations énormes. On peut avoir deux patients jumeaux vrais avec une maladie génétique qui est vraiment bien définie, la neurofibromatose de type 1, et qui vont avoir l'un une tumeur du lobe frontal, l'autre une tumeur de la cuisse. Alors qu'ils ont vécu avec deux mêmes parents, la même alimentation, dans le même environnement, le même patrimoine génétique. Donc qu'est-ce qui se passe, sachant que cette maladie est purement génétique? Donc on ne sait pas, donc il y a des variables qu'on ne maîtrise pas, des variables environnementales, donc c'est pas demain qu'on aura une vision globale de l'homme. Ça, et c'est une chance pour nous aussi. Comment quand on va voir des médecins? On va voir un ophtalme, un cardiologue, un gastro-entérologue, etc. Donc il y a quand même chez chacun de ces spécialistes une connaissance du tout, ouais. Mais aussi une connaissance de la partie beaucoup plus spécialisée. Donc le système pulmonaire, le système cardiaque, ils ont un sens pour ces... Tout à fait, on n'est pas démunis face à ça. C'est vrai qu'on sait bien que ce qu'on pratique souvent, hein, je ne verrais pas, moi, même si je l'ai fait, faire une échographie cardiaque de façon fiable à un patient, bon, c'est pas du tout mon métier, je serais mauvais. Mais on peut tenir compte, effectivement, quand j'opère un patient, je tiens compte de son rythme cardiaque, des risques de faiblesse, des risques... Tous les paramètres se mélangent. Et si aujourd'hui, on va voir un cardiologue, ou, déjà, on ne va pas les voir forcément de façon spontanée ou directe, sauf peut-être en région parisienne, à cause de pénurie, hein, mais non, c'est pas un système parfait, ça c'est sûr. Mais non, chaque spécialiste a une connaissance de ce qui se passe là, ça c'est sûr, et l'utilise. je voulais juste poser une question par rapport au fait que vous disiez que c'est pas une science. Et en fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que par exemple, en physique, il y a des trucs sur lesquels, pendant longtemps, il n'y avait pas de réponse. J'en parle encore. C'est Mercure, un problème, en tout cas, enfin, la formulation de la relativité générale. Donc, c'est pas l'incomplétude, en fait, qui fait que. Pas avoir une science, c'est parce que je pensais il y a peut-être l'hypothèse de l'invalidation expérimentale, c'est-à-dire on fait, je sais pas, je prends du paracétamol, ça doit me guérir la fièvre, et puis c'est pas le cas, donc j'ai une invalidation, mais là aussi j'ai des outils statistiques, donc je peux dire que à un certain pourcentage j'ai une chance. Je vois pas trop pourquoi vous dites ça. Alors, il faut pas confondre la biologie, qui est vraiment une science, même s'il y a des questions auxquelles on répond pas, des plein d'inconnus, hein, encore vraiment plein d'inconnus, et la médecine, le but de la médecine, sa raison d'être, c'est de traiter, ou d'aider, en tout cas de soulager au moins. Et donc, il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Si on parle que de traiter, la fonction, le programme de traiter, cette fonction traiter, qui n'est pas une fonction juste d'analyse, hein, parce que l'analyse intervient en amont, dans les signes, que ce soit biologique, clinique, le but de traiter ne pourrait pas s'apparenter à une science. Par exemple, si je vais essayer de comparer, vous avez une science, est-ce que l'architecture est une science, est-ce que je ne sais pas si on peut parler de science, hein, ça dérive d'autres sciences, hein, de la science des matériaux, la physique des matériaux. Je dirais que la médecine, c'est à la biologie, ce que l'architecture est à la science des matériaux, c'est une application. Et il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Pour l'architecture, il y a des histoires d'esthétique, des histoires sociales, des problèmes sociaux qui se mélangent en médecine également, des problèmes éthiques. Par exemple, une patiente A qui arrive avec une embolie pulmonaire, qui a tel âge, mais aussi également tel type de famille, va dans un contexte donné, en fonction de ce paramètre familial, social ou autre, être traité, ou peut-être qu'on va laisser mourir, tout simplement, compte tenu de son âge, compte tenu de ses choix. Donc il y a d'autres paramètres qui viennent d'autres domaines, qu'on n'appelle pas vraiment des sciences enfin, en tant que telles, hein, d'aspects plutôt philosophiques ou plutôt même théologiques, hein, qui peuvent intervenir. Le rapport à la science. C'est plutôt un art, on dit que c'est plutôt un art, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est le qualificatif qui était utilisé faute de mieux. Bien, j'ai l'impression que sur ce, la journée va s'achever. Est-ce que les organisatrices vont dire un mot de conclusion? C'était un sale coup, hein, je reconnais. Je voudrais simplement vous remercier une fois encore, et je ne sais pas si vous avez trouvé des réponses à vos interrogations, mais en tout cas j'espère des pistes de réflexion sur la question de savoir comment peut-on être systématique, et je vous remercie beaucoup.